Pourtant, oh Dieu, regarde et considère toutes choses dont il domine sur toutes choses. En même temps, Dieu a envoyé son salut sur la terre. Dieu observe de son lieu secret en tout temps. Chaque mouvement de l'homme, tout ce qu'il dit et fait. Dieu connaît l'homme comme la paume de sa main. Le lieu secret et sa demeure, le firmament. Et son lit, la force de Satan ne peut atteindre Dieu. Car Dieu est débordant de majesté, de justice et de jugement. Dieu a foulé entier. Il promène son regard dans tout l'univers. Dieu a marché parmi les hommes, il a goûté les délices et l'amertume, toutes les saveurs du monde de l'homme. Les âmes n'ont jamais vraiment reconnu Dieu, ni même remarqué pendant qu'il marchait, parce que Dieu gardait le silence et ne fit aucune œuvre surnaturelle. Personne ne l'a jamais vraiment. Comme avant, Dieu va faire des choses que de toutes les générations le monde n'a jamais vues. Dieu va prononcer des paroles que de toutes les générations les hommes n'ont jamais entendues. Parce qu'il demande à l'humanité entière de connaître Dieu dans la chair.